Le verre est complètement vide. On ne s'est jamais retenu. On a couru dans la plaine sans jamais perdre haleine. Est-ce que tes bras tiennent encore? Mon corps qui rêve encore à la caresse de ta voix qui ne tremble pas aujourd'hui. La vie ne tiendrait ses promesses qu'une fois le minerai épuisé. Est-ce que tes bras tiennent encore? Mon corps qui rêve encore. Les arbres ont levé leurs branches pour accrocher le ciel. Leurs racines ont agrippé la terre pour que leur quête improbable ne les emporte pas. Ne les emporte pas.